La délégation d'amitié nippo-coréenne liée par le Chuche, conduite par Koiwai Takashi, vice-président de l'Association des citadins de Matsumoto en faveur de la réunification indépendante et pacifique de la Corée, arrivée à Pyongyang le 30 juillet par vol, a déposé une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.